Mon groupe, c'est la secrète, c'est pas la flaque, connexion. Voilà pourquoi des fois je me fais rare comme la réflexion. Hein? Paris c'est grand, mais le monde est petit, surtout le nôtre. Ils tombent pas rond, c'est pas un macaron de chez le nôtre. C'est la crise. Et le peuple, il sait plus comment faire. Ton boss n'est pas palestinien, pourtant il te paye au lance-pierre. Les jeunes, ils veulent pas taffer pour des centimes au McDo. En attendant le salaire, ils ont la coupe de Ronaldo. Ils sont lourds comme des packs d'eau. La voix flotte comme un paquebot. La tienne soit dans une flaque d'eau. J'ai mille bagues sous chaque mot. Et c'est chaud comme le magma. Mais bon, fais pas le magma. Claes, on sait que tes mots blessent et que t'es secrète comme le Loch Ness. Bref, j'crie ma haine, mec. Je crie mon dégoût. Pris en flag les politiques qui font des blagues de mauvais goût. La France, c'est bien pour les allocs et l'hôpital. Vu qu'au State, Dr House, il accepte pas la carte vitale. Vive le net en restant chez soi, tout arrive par voie rapide. Les pirates, ils sont mineurs et ils viennent pas des Caraïbes. L'argent, le vice, il nous a tous encerclés. Le foot se joue avec les mains. Dans le sport, y'a plus de fair play. Les sans-papiers font le spectacle. La France en a marre du show. Les clans détraînent sous le marché, mais n'ont pas un cœur d'artichaut. Y'a plus de secret. Le monde sait que la France est métissée. À la maison, blanchie un noir, à quand un beurre à l'Elysée. J'suis stressé de nature, pas branché mais sous tension. Et j'pétard par habitude, pas pour te voir en trois dimensions. Les blédards savent que tous les chemins mènent à Rome. Ils savent aussi qu'on n'est jamais mieux servi que par sa daronne. Le groupe, c'est quoi, quoi? C'est la secrète connexion. Voilà pourquoi des fois je me fais rare comme la réflexion. Paris c'est grand, mais le monde des petits, surtout le nôtre, ils tombent pas rond. C'est pas un macaron de chez le nôtre. Groupe c'est quoi, quoi? C'est la secrète connexion. Jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Fini le temps où les chipeux, ils s'échangeaient les vignettes. Nos jours ils parlent de tu, font du rodéo sur Juliette. On fait tout, ta distance, on est de moins en moins tactile. J'suis défenseur de l'improbable, comme si je m'appelais Ali McBeal. Et j'suis scred, non j'enlèverai pas le bandeau. C'est comme demander à Marine de faire les farfins à un clan d'eau. J'suis anti-système, en désaccord avec vos lois et vos programmes scolaires. Mes ancêtres ne sont pas gaulois. J'suis ailleurs, différent, j'fais pas le rap que les ondes passent. De toute manière, l'herbe ne pousse pas sur la route où tout le monde crache. Je suis véridique, authentique, même si le thème n'est pas là. Dans mes récits, toujours précis comme un horloger du Ghana. Je suis affolant, infolant, insolent comme un Elka. Mais en finale, je peux te sortir un coup de boule après une palenka. Méfie-toi des apparences, un arbre peut cacher une forêt. Comme méfie-toi de mes pas devant, je pourrais te sortir une corée. Bic à la main, je suis trop technique comme Zinedine. Ceux qui ont la langue pendue sont attendus comme mes inédits. Le groupe, c'est quoi, quoi? C'est la secrète connexion. Voilà pourquoi des fois je me fais rare comme la réflexion. Paris c'est grand, mais le monde des petits, surtout le nôtre, ils tombent pas rond. C'est pas un macaron de chez le nôtre. Le groupe c'est quoi, quoi? C'est la secrète connexion. Jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Fini le temps où les types, ils s'échangeaient les vignettes. Nos jours ils parlent de cul, font du rodéo sur Juliette.